craqué. Mikey était trop fou là, parce que j'ai vraiment des voisines. Je commence à délire comme ça que ma voisine n'a pas de slip, ça doit pas faire. J'allais m'entraîner des problèmes avec mon voisinage, mais pas. Best friend, the one who's holding my phone. Best friend, the one who's holding my phone.